nous serons trois. Notre enfant, il l'aura, et ton rire et ta voix. Comme toi, je veux faire l'amour avec toi. Comme toi, avec toi, je veux découvrir tellement de joie qu'une vie me pourra me suffire. Toi, j'ai trouvé soudain ma vérité. Près de moi, rien jamais ne pourra t'arriver. Nous vivrons tous les deux.